Thank you. Geceler. Thank you. Thank you. I fail often. Vai que é. Attendre, ne plus espérer, ne plus laisser distraire, désarçonner, the wait, the hope, just push, presence door. Situation. No wait, no hope, just push. No wait, no hope, just push. Oh, fools. No wait, no hope, just push. No wait, no hope. Oh, force, presence door, presence door, hey. Croyant chercher Samantha, en fait, ma Remington, moi, juste perdu dans le nouveau monde, moi, cherchant moi-même, croyant chercher Samantha, mon double. Moi, le Frenchie, à New York, dans le Bronx, perdu. Le pays. Putain. My funny Valentine. Lost. Thank you. du Rimbaud pourtant m'accompagner. Baudelaire, tous les poètes de mon atmosphère. Pourtant, perdu finalement. Serge Gainsbourg dans ma valise. Pourtant, évidemment. Mon sac à dos mal vissé. Thank you. Marcus. Thank you. retour du spectacle. Thank you. Abdoulaye Ibrahim, dans mon sang, revenant aux sources, chacun revenant à son rhizomatique système. Sentiments, les vibrations, les émotions. Par les phares du spectacle, continuons à rechercher la source du vent. Thank you. Thank you.